Votre sélection débutera après cette publicité. Le gouvernement du Canada et les experts de la santé publique agissent pour protéger les Canadiens de la COVID-19. Protégez-vous et protégez les autres, surtout ceux avec des problèmes de santé et les adultes plus âgés. Lavez vos mains souvent. Évitez de toucher votre visage. Toussez ou éternuez dans votre bras et désinfectez les surfaces. Essayez d'éviter les endroits achalandés. Évitez tout voyage non essentiel à l'extérieur du Canada. Et si vous êtes malade, restez à la maison. Visitez canada.ca/le coronavirus. Un message du gouvernement du Canada. 3, 2, 1. Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire Hannah Arendt, philosophe de la fragilité humaine. Hannah Arendt dit « Il n'existe pas quelque chose comme l'homme ou l'humain. Il n'y a que des humains. Nous sommes tous identiques au sens où nous sommes tous membres de l'espèce humaine, mais nous sommes tous distincts. Hein? Nous sommes tous des gens différents et chaque individu ici autour de la table est une exception. Une exception dans l'histoire humaine, il n'y a jamais eu quelqu'un comme nous avant, il n'y aura jamais quelqu'un comme nous après. Et le caractère exceptionnel de notre existence nous permet éventuellement aussi d'agir et de poser des gestes exceptionnels. » Le professeur de philosophie et de communication au Cégep du Vieux-Montréal, Xavier Brouillette, à l'émission « Dessine-moi un dimanche » en mai 2012. Dans cet extrait, Xavier Brouillette commente le classique d'Hannah Arendt, « La condition de l'homme moderne ». Cet essai fait partie des quelques ouvrages importants qu'a publié Hannah Arendt au cours de sa brillante carrière. Hannah Arendt qui reste, aujourd'hui encore, probablement l'une des philosophes les plus marquantes du 20e siècle. The only thing which can help us, I think, is really to réfléchir. And to think always means to think. Réfléchir, cela signifie de toujours penser de manière critique. Et penser de manière critique, cela signifie que chaque pensée sape ce qu'il y a en fait de règles rigides et de convictions générales. Rigid rules, general convictions, etc. Everything which happens. Tout ce qui se passe lorsqu'on pense est soumis à un examen critique, c'est-à-dire qu'il n'existe pas de pensée dangereuse pour la simple raison que le fait de penser est en lui-même une entreprise très dangereuse. Mais ne pas penser est encore plus dangereux. Hannah Arendt, à l'émission française Un certain regard en juillet 1974, pour nous présenter le parcours et la pensée d'Hannah Arendt, je reçois la journaliste et femme de lettres Laure Adler, qui est aussi productrice et animatrice de l'émission L'Heure bleue, diffusée à France Inter, et qui a publié il y a quelques années l'ouvrage Dans les pas d'Hannah Arendt. Laure Adler est dans nos studios de Paris. Laure Adler, bonjour. Bonjour. Vous avez donc, Laure Adler, il y a quelques années, consacré cette biographie à Hannah Arendt. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous intéressait chez elle au point d'écrire une biographie? Ben, je pense que c'est une des philosophes les plus importantes du XXe siècle, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Pourquoi ? Parce qu'elle nous aide à penser aujourd'hui et notre avenir, encore maintenant et encore plus maintenant, dans des temps tourmentés où nous vivons par des clichés de pensée, où nous sommes atteints par les réseaux sociaux, où nous sommes en proie à la rumeur. Elle en vient à notre individualité, à notre faculté d'exercer un jugement critique, à notre possibilité de mettre en perspective le présent par rapport au passé, mais aussi par rapport à l'avenir. Et c'est quelqu'un qui me guide et m'éclaire et qui peut guider chacun ou chacune d'entre nous dès qu'il se pose des questions à la fois existentielles, individuelles, mais aussi collectives et politiques. Ouais. Une image, je vous écoute en fait, et on a en tête quand on s'intéresse à la pensée d'Hannah Arendt, l'image d'une femme forte, d'une femme qui sait penser, qui sait ce qu'elle pense. En même temps, vous avez, en travaillant à cette biographie, découvert une autre femme. Une femme plus fragile. Parlez-moi de cette femme-là, cette Hannah Arendt de l'ombre, celle dont vous a parlé, par exemple, son collègue Paul Ricoeur. Alors, c'est une femme qui a eu une existence extrêmement compliquée. Elle a été élevée par sa mère, une mère libertaire, une mère anarchiste, une mère admirative de Rosa Luxembourg. Hannah Arendt, toute petite, a vécu le drame de la disparition de son père, qui a été relégué socialement et physiquement parce qu'il était atteint d'une maladie honteuse sexuelle dans un hôpital. Et le secret de famille a perduré tout au long de son existence et l'a aidé, je crois paradoxalement, à travailler sur les secrets qui nous taraudent et taraudent aussi le corps collectif qu'est notre société. Ensuite, elle est devenue l'élève de Martin Heidegger, qui est tombé éperdument amoureux d'elle. Ce n'était pas la seule, puisque maintenant on le sait, grâce à la publication de plusieurs écrits du journal de Martin Heidegger, il avait l'habitude de prendre comme vivier de ses conquêtes sexuelles et psychiques eh bien son propre séminaire. De là va naître une collaboration pas seulement amoureuse mais aussi intellectuelle. Je prétends, et je l'argumente dans mon livre, qu'il y a des concepts heideggeriens qui viennent d'un dialogue entre les deux et que ces concepts qu'on attribue à Martin Heidegger encore aujourd'hui ont été élaborés par Hannah Arendt et ensuite retransformée par Martin Heidegger. Ensuite, elle s'est émancipée vraiment douloureusement de cette double conquête, à la fois intellectuelle et amoureuse. Elle a essayé de se reconstruire intellectuellement et amoureusement. Elle est tombée sur un type remarquable qui est devenu son premier mari, Günther Anders. Et puis ensuite, Hannah Arendt a décidé, après un séjour aussi extrêmement compliqué, difficile et douloureux en France, de partir pour les États-Unis où elle s'est établie et où elle a vécu jusqu'à la fin de son existence. Donc une vie qui n'a certainement pas été un long fleuve tranquille, mais je reviens à cette fragilité et à cette anecdote que vous relevez dans votre biographie, que vous raconte son collègue Paul Ricoeur. Comment expliquer que cette femme qui a eu les fréquentations qu'elle a eues, qui a eu la profondeur de pensée qu'elle a eue, comment expliquer que cette femme tremblote à la sortie d'un des cours qu'elle donne aux États-Unis? Je crois que c'est quelqu'un qui n'a jamais eu la sensation de sa capacité extrême de penser. Elle était elle-même étonnée par cette dangerosité, elle l'a dit tout à l'heure dans l'archive, de ce que veut dire penser. Et petit à petit, elle a d'abord conquis son propre territoire en essayant de comprendre. Et ça, ça m'intéresse aussi beaucoup. Car moi, je pense que les personnes qui pensent, et plus particulièrement les femmes, eh bien, c'est des personnes qui essayent de penser à partir de leur propre socle existentiel. Il est très difficile pour moi de faire la séparation entre l'existence concrète, réelle, matérielle, les événements historiques qu'a eu à affronter Hannah Arendt, extrêmement douloureux, et la somme philosophique qu'elle nous lègue encore aujourd'hui. Donc elle a d'abord essayé de penser son propre présent, qui a été quand même complètement fragmenté, atomisé par la montée du totalitarisme. Mmh. Totalitarisme à la fois effectivement nazi, hein, qui a fauché des tas d'amis à elle, et c'est par miracle qu'elle a été une survivante, puisqu'elle a été une des premières combattantes d'Hitler, et qu'elle a, à ses propres périls, d'ailleurs elle sera arrêtée, elle a fait des séminaires en Allemagne pour essayer de penser la langue dans laquelle s'exerçait l'autoritarisme, puis ensuite le fascisme d'Adolf Hitler. Et 15 ans après, dès qu'elle a la vie sauve et qu'elle arrive sur le territoire américain, qu'est-ce qu'elle fait? Elle essaye de comprendre les racines et les mécanismes des totalitarismes, c'est-à-dire évidemment le nazisme, mais aussi le fascisme et aussi le stalinisme. Ouais. Et à l'époque, dans le milieu intellectuel des grands philosophes dans le monde, eh bien, il était très compliqué de pouvoir oser, non pas une comparaison, mais une mise en parallèle de la domination de l'homme par l'homme dans ses idéologies qui vous empêchaient de penser et qui éteignaient en vous, à l'intérieur de chacun d'entre nous, vos propres aspirations à la liberté. Et on y reviendra à cette réflexion et à ce classique qu'elle va publier en 1951, Les origines du totalitarisme. Mais un petit mot quand même, Laure Adler, vous avez parlé de Heidegger qui va être important, vous avez parlé de la montée du nazisme qu'elle va effectivement très tôt combattre, Hannah Arendt, et vous avez parlé de son arrivée aux États-Unis, mais entre son arrivée aux États-Unis et son départ de l'Allemagne, il y a cette période française. Un mot là-dessus quand même, sur ce que ça va représenter pour elle, à quoi ça va ressembler, cette période française d'Hannah Arendt. Alors Hannah Arendt était très impressionnée positivement par la philosophie française. Elle était persuadée que c'était le pays des droits de l'homme. Donc, en bon nombre d'exilés antifascistes allemands, qu'ils soient écrivains, poètes et philosophes, elle essaye de parvenir en France. Elle y parvient et elle essaye de subsister dans un Paris qui assimilait un peu trop les Allemands à des fascistes. Elle aura beaucoup de mal à subsister, à la fois matériellement et intellectuellement. Heureusement, elle y nouera une amitié extrêmement solide jusqu'à la fin de sa propre existence. Et on sait que sa fin fut tragique avec Walter Benjamin et aussi avec celui qui deviendra son mari, Günther Anders. Elle continue à essayer de penser, mais Anders repart aux États-Unis. Elle va essayer d'échapper à la police française et elle va finalement être enfermée dans le camp de Gurs, de sinistre mémoire, où elle va être enfermée d'ailleurs avec des personnes qui sont enfermées là parce qu'ils avaient essayé de travailler pour la liberté en Espagne. Et elle va réussir parce que Hannah Arendt est quelqu'un de très puissant intellectuellement et elle inspire une admiration très très très très forte. Ouais. Mais aussi, c'est quelqu'un qui est très puissant physiquement. Je voudrais attirer l'attention des personnes qui nous écoutent sur cette espèce de char d'assaut qui est à la fois Hannah Arendt sur le plan intellectuel, mais aussi sur le plan physique, sur le plan de son propre courage physique. Par exemple, bon, on dit souvent que Jean-Paul Sartre s'est réveillé un peu trop tardivement pour comprendre ce que signifiait l'importance de la résistance. Simone de Beauvoir aussi, etc. Hannah Arendt, c'est tout le contraire. C'est quelqu'un qui affronte le réel, qui fait preuve d'un courage physique. Elle affronte la police française. Elle affronte sa situation concrète et matérielle dans le camp de Gurs. Elle alerte toutes ses copines et ses camarades à l'intérieur du bâtiment où elle se trouve, puis elle leur dit « Vous allez quand même pas rester prisonnière éternellement. Regardez, ouais. Il y a quelques gardes là. Allez, on s'en va. On franchit les barbelés et on retrouve notre propre liberté. » Et je pense que cette liberté physique, ce courage dont elle a témoigné à des moments extrêmement cruciaux de la vie collective et de la grande histoire avec un grand H, se retrouve à l'intérieur de sa propre philosophie et sont éveilleurs pour nous encore aujourd'hui d'un sentiment très fort de révolte. Ouais. Et cette révolte, ce combat qu'elle mène d'abord en Allemagne, puis pour se libérer de ce camp, ce combat très concret contre déjà des différents totalitarismes, elle va l'intellectualiser, elle va écrire là-dessus, ce qui nous amène aux États-Unis. Elle arrive aux États-Unis en 1941, elle publie 10 ans plus tard donc ce classique, Les origines du totalitarisme. On l'écoute parler des totalitarismes à l'émission Un certain regard en 1974. Lorsque je vois un système totalitaire, j'essaie de l'analyser comme une nouvelle forme de système politique inconnu auparavant. Pour cela, j'essaie d'énumérer ses caractéristiques principales. Parmi celles-ci, je voudrais vous en rappeler une qui est entièrement absente actuellement de toutes les tyrannies. Il s'agit du rôle des innocents, des victimes innocentes. Sous Staline, il n'était pas nécessaire de faire quoi que ce soit pour être déporté ou pour être exécuté. La dynamique de l'histoire attribuait un rôle à cette victime et elle devait jouer ce rôle, quoi qu'elle ait fait par ailleurs. Auparavant, aucun gouvernement n'a tué des gens pour avoir dit oui. Généralement, un gouvernement ou un tyran tuait les gens parce qu'ils disaient non. Un de mes amis m'a rappelé qu'une idée très similaire avait été énoncée en Chine il y a plusieurs siècles. Les hommes qui ont l'impertinence d'approuver ne valent pas mieux que ceux qui désobéissent et s'opposent. And this, of course, is the quintessential sign of totalitarianism. C'est là, bien évidemment, l'essence du totalitarisme. Le fait qu'il y ait une totale domination de l'homme par l'homme. C'est donc en 1951 qu'Hannah Arendt publie Les origines du totalitarisme, suivra Conditions de l'homme moderne en 58, puis La crise de la culture en 61. Comment résumer, Laura Adler, la pensée de cette femme, d'Hannah Arendt? Ça, c'est trois ouvrages qui sont vraiment devenus des classiques, mais si on avait à résumer la vision que nous propose Hannah Arendt, celle que vous appelez d'ailleurs, je vous ai piqué ça dans le titre de l'émission, La philosophe de la fragilité humaine. Mais je crois qu'elle articule trois domaines de la pensée de manière indissoluble. La philosophie politique, une nouvelle manière de penser la philosophie politique dans le sillon des grands comme Thomas Hobbes et cette lignée-là. La philosophie politique, la morale et l'éthique. Et ces trois domaines de la philosophie, elle les pense ensemble pour tenter de comprendre ce qui nous lie, nous, êtres humains, dans le monde, et ce qui peut nous rassembler, la loi morale commune, et ce qui peut collectivement aussi nous démettre de nos propres facultés humaines pour nous laisser dominer à ne plus être que des sous-hommes. Et je crois que cette définition de l'homme, elle la renouvelle dans une lignée de pensée qui date d'Emmanuel Kant, la loi morale au-dessus de nous, etc., Edmond Husserl, et elle la modernise pour essayer de comprendre, à l'aune du drame que furent les totalitarismes, comment, au XXe siècle, des systèmes politiques ont essayé de détériorer, voire d'abattre, ce qui fait non seulement notre propre liberté individuelle, mais, et ça c'est un coup de génie de la part de Hannah Arendt, ce qui fait que nous sommes reliés à l'autre avec un grand A, comment nous sommes reliés à l'autre, et elle nous explique que dans les totalitarismes, ce lien à l'autre, qui est un espace aussi de construction de nos propres libertés dans le respect de l'autre, eh bien est complètement dynamité, pulvérisé, pour faire en sorte que nous ne devenions qu'un espèce de troupeau abêti qui dit oui à tout et qui se laisse faire. Et qui abaisse, voire fait disparaître, notre propre instinct de liberté. Et qui va conduire, ça nous mène à un autre grand classique, mais qui va conduire à cette réflexion sur, vous parlez de ce que peut devenir l'homme quand il devient sous-homme, de la responsabilité qu'il a ou pas, de l'effet qu'a sur lui, qu'ont sur lui, par exemple, ses totalitarismes. Et ça nous amène à parler de ce livre qu'elle va écrire dans les années 60, Eichmann à Jérusalem. En fait, en 61, elle se rend couvrir le procès d'Eichmann pour le New Yorker, et puis suit donc la publication d'Eichmann à Jérusalem et le développement de cette théorie sur la banalité du mal. On en parle dans un instant, Laura Adler, mais d'abord Hannah Arendt, à propos d'Eichmann et de sa théorie justement sur la banalité du mal à l'émission « Mille et une vies ». Sehen Sie, wenn man, es gibt die Leute nehmen mir eine Sache. J'ai vraiment trouvé que Eichmann était un clown. J'ai lu la transcription de son interrogatoire, 3600 pages en tout. J'ai tout lu attentivement. Et j'ai ri à maintes reprises, à voix haute en plus. Eichmann était plutôt intelligent, mais il était souvent stupide. C'est cette stupidité qui était si exaspérante et que je voulais exprimer par le terme « banalité ». Il n'y a pas de profondeur, ce n'est pas diabolique, c'est simplement le refus de considérer le sort d'autrui, ne serait-ce qu'un instant. Je n'ai pas cherché à dire que nous étions tous des Eichmann, qu'un Eichmann sommeillait en nous, ou Dieu sait quoi encore. Que cherche à développer Hannah Arendt, Laura Adler, avec cette théorie de la banalité du mal? Je crois qu'elle ne le sait pas vraiment. Ce procès, elle a voulu y aller. C'est elle qui a demandé à partir, suivre le procès pour le New York Times. Elle veut essayer de voir le monstre. Elle veut essayer, en le voyant et en l'entendant, elle veut essayer de comprendre l'indicible, l'impossible. Alors, elle va développer une pensée extrêmement complexe que moi, personnellement, je ne comprends toujours pas vraiment et contre laquelle je m'insurge et je ne suis pas la seule. C'est-à-dire, notamment, Elle affirme dans Eichmann à Jérusalem qu'une partie du peuple juif qui a été arrêtée, notamment en Allemagne, en Pologne et dans les pays d'Europe du Nord, aurait dû se révolter, aurait dû ne pas accepter d'aller dans les trains qui les ont emmenés vers les camps de la mort, aurait dû se révolter dans ces mêmes camps de la mort. Contre cela, moi, je ne suis pas encore une fois la seule, mais je m'insurge violemment parce que c'est pas possible de dire ça. C'est pas possible ni historiquement, ni intellectuellement, ni physiquement. Comment vouliez-vous que ces personnes, d'abord, puissent savoir ce qui les attendait, et d'autre part, ils ne possédaient pas les moyens de pouvoir créer une révolte, même s'il y a des gens extrêmement courageux qui ont essayé de s'enfuir des camps de la mort, etc. etc. Donc là, il y a un côté un peu sarcastique, un peu prétentieux, un peu arrogant de la part d'Anna Arendt, qui lui est reproché encore aujourd'hui. Pendant longtemps, par exemple, en Israël, elle n'a pas été traduite. Maintenant, il y a des philosophes qui travaillent la pensée d'Anna Arendt en Israël et qui sont devenus des spécialistes, et c'est tant mieux. Mais c'est vrai que je crois que dans la banalité du mal, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, et c'est très important, et c'est très positif, même si ce n'est pas agréable à penser, c'est que Anna Arendt est allée vers nous, et encore une fois, elle est ultra contemporaine, pour nous dire penser, c'est dangereux, parce que ça veut dire s'élever contre, disons, tous les clichés de ce qui se dit et de ce qui est répété à satiété, toutes les injonctions sociales dans lesquelles nous sommes. Donc, penser, c'est un acte personnel et dangereux qui doit dépasser nos propres limites. C'est un saut à l'intérieur du vide, c'est une prise de risque. C'est une avancée vers l'intérieur de son être. Et les gens qui sont des serviteurs de l'absence de pensée peuvent devenir des agents du mal. Mmh. Et là-dessus, elle inclut Eichmann. Elle dit que Eichmann ne pensait pas qu'il avait une... Tout était superficiel chez lui. Il a annihilé, comme tout être vivant, il avait une faculté de penser. Il l'a annihilé pour pouvoir suivre de manière aveuglément obéissante, le régime nazi. Ouais. Et c'est ça qu'elle veut dire en disant la banalité du mal. Et quand on voit que, après la Seconde Guerre mondiale et après la découverte du génocide et de la Shoah, quand on voit que l'espèce humaine continue à avoir des massacres, des génocides, on l'a vu au Rwanda, on l'a vu au Cambodge, etc. On le voit encore en ce moment. Mmh. Eh bien là, cette pensée dérangeante d'Anna Arendt, je crois, nous est extrêmement vitale pour nous affronter au mal à l'intérieur de nous. La pensée comme rempart au mal, comme rempart à l'autoritarisme. Il faut s'arrêter là-dessus, Laure Adler. Ça a été un vrai bonheur de vous recevoir, journaliste, productrice, animatrice de radio, autrice, je le souligne aussi, de nombreux ouvrages consacrés à des femmes célèbres, celui sur Anna Arendt, mais aussi plus récemment, celui consacré à Charlotte Perriand. Merci beaucoup. Merci à vous. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.